Voilà. Je sais pas trop. Là il y a. On prend toujours le même chemin. Et du coup, je regarde souvent ce. J'aime beaucoup. Donc, alors.